Souvent invitées dans la grande maison, les filles de Madame Marche s'en donnent à cœur joie. Meg se promène à loisir dans la serre et compose de merveilleux bouquets. Jo engloutit avec un appétit d'ogre les ouvrages de la bibliothèque et Amy copie des tableaux. Bette, elle, toujours très timide, n'ose effleurer les touches d'un splendide piano à queue. Mais le vieux gentleman, remarquant la fascination que la petite fille a pour l'instrument, se tourne vers Madame Marche et lance d'une voix claire. « Madame, mon petit-fils néglige un peu son piano et je crains que si personne ne l'utilise, cet instrument risque de s'abîmer. L'une ou l'autre de vos filles ne voudrait-elle pas venir jouer de temps à autre ?» Puis, sentant la grande timidité de Bette, le vieil homme précise aussitôt « Bien sûr, celle qui jouera n'aura nul besoin de voir ou de parler à quiconque. Il lui suffira de venir à l'heure qui lui convient. » À ces mots, une petite main se glisse dans celle du gentleman. Bette, les yeux emplis de gratitude, surmonte soudain sa timidité. « J'adore la musique et je veux bien venir. Si vous êtes sûr que je ne dérangerai personne. » Esquissant un sourire, le vieux gentleman caresse alors doucement les cheveux de Bette et se baisse pour l'embrasser sur le front. Les jours suivants, Bette franchit discrètement la porte de la grande maison, puis se glisse aussi silencieusement qu'une souris dans le salon, regardant sans cesse autour d'elle. Mais dès qu'elle touche le clavier du piano, sa peur s'envole et la petite fille joue parfois jusqu'au dîner. Un jour, cependant, Bette doit aller faire une course au village. Et quand elle revient chez elle, ses sœurs, toutes excitées, lui ouvrent grand la porte en criant « Bette, regarde !» La petite fille pâlit soudain de ravissement. Un petit piano d'étude est là, devant elle, le clavier grand ouvert. Tremblant d'émotion, elle demande d'une voix fluette « C'est pour moi ?» Et dans un accord parfait, ses sœurs s'écrient « Rien que pour toi ! Ce vieux monsieur n'est-il pas le plus gentil de toute la terre ?» À la stupéfaction générale, Bette franchit à toute vitesse la haie des voisins et court embrasser le gentleman. Désormais, le vieux monsieur et la petite fille sont les meilleurs amis du monde. Bien que leur père manque à la maison, les quatre filles Marche ne voient pas le temps passer tant elles s'amusent avec leurs jeunes voisins. Par une chaude après-midi de septembre, ils décident d'aller pique-niquer près d'une pinède. Toujours très coquette, Meg a pris un coussin pour ne pas salir sa jolie robe et coud de ses mains blanches et délicates. Bette ramasse des pommes de pin. Amy dessine des fougères et Jo lit à haute voix tout en tricotant une chaussette. Laurie, lui, allongé dans l'herbe, pense à tous les voyages qu'il aimerait faire. Soudain, il propose un jeu. Et si on se disait ce qu'on aimerait le plus dans la vie ? Jo, trouvant l'idée excellente, ferme promptement son livre et lance. « D'accord, commence, Laurie. Eh bien, quand j'aurai assez couru le monde, j'aimerais m'installer en Allemagne. » Et j'écouterai de la musique autant qu'il me plairait. Je serai un musicien célèbre et la terre entière se précipiterait à mes concerts. Et toi, Meg, que voudrais-tu ? Moi, j'aimerais une belle maison. Elle regorgerait de biens plus luxueux les uns que les autres. Mais raffinés, vêtements élégants, beaux meubles, avec ma grande fortune et une armée de serviteurs sous mes ordres, je n'aurai nul besoin de travailler. Je serai la maîtresse des lieux et je gouvernerai ma maison à ma guise. » Et, très étonné, le jeune garçon l'interrompt. « Et il n'y aurait pas un maître dans ton château ?» Soudain, très rougissante, Meg se baisse et fait mine de remettre son lacet. Agacée par les goûts de sa sœur, Jo déclare « Mais pourquoi est-ce que tu ne dis pas clairement que tu souhaites un époux séduisant, bon et sage, ainsi que quelques beaux chérubins ?»« Quant à moi, j'aurai une écurie pleine de pur sang arabe, des pièces remplies de livres, et j'écrirai avec un encrier magique qui rendrait mes œuvres aussi célèbres que la musique de Laurie. Une chose est sûre en tout cas, je serai écrivain !» Bette enchaîne aussitôt d'une voix douce. « Mon rêve à moi, c'est de rester à la maison avec père et mère. Et depuis que j'ai mon piano, je suis comblée. Et toi, ami, qu'est-ce que tu souhaiterais ?»« Moi, je voudrais aller à Rome, peindre de beaux tableaux et devenir la plus célèbre artiste du monde. » Si le printemps et l'été ont apporté la bonne humeur dans la maison des Marches, le mois de novembre, en revanche, les met en colère. Jo ne supporte pas le ciel gris et Meg bougonne de faire tous les jours la même chose. Comme tous les jours, en rentrant de son travail, Madame March demande à ses enfants si une lettre de leur père est arrivée. Hélas, Jo et Meg répondent que non. Mais au moment où Laurie propose de se rendre à la poste, un violent coup de sonnette retentit. C'est le facteur! Et il tient un télégramme à la main. Aussitôt, Madame March lit les deux phrases qu'il contient et s'effondre dans son fauteuil. Meg lui tapote vite les joues et tandis que Laurie court à la cuisine chercher de l'eau, Jo lit le télégramme d'une voix étranglée. Madame March, votre époux est très malade. Venez immédiatement. Hôpital Blanc, Washington. Le silence s'abat aussitôt sur la maison. Sans un mot, les quatre sœurs se rassemblent autour de leur mère et attendent fébrilement qu'elle revienne à elle. Enfin, tout doucement, Madame March reprend ses esprits et déclare d'une voix sombre « Je vais partir dès que possible, mais il sera peut-être trop tard. » Aidez-moi à affronter cette épreuve. » Voyant leur mère si triste, les quatre filles éclatent en sanglots et la couvrent aussitôt de baisers. Dans un courageux effort, et après avoir réfléchi aux tâches les plus urgentes, Madame March demande à Laurie « Va vite envoyer un télégramme pour annoncer mon arrivée. Je prendrai le prochain train demain, à la première heure. » Pendant que Laurie galope vers la poste, Madame March continue de donner ses instructions. « Jo, ma chérie, cours prévenir Madame King que je ne pourrai venir travailler demain. Et en route, tu achèteras quelques affaires. Je dois emporter de quoi soigner votre père, car j'imagine que les hôpitaux sont débordés. » Bette, va demander deux bouteilles de vin vieux au grand-père de Laurie. Tant pis pour ma fierté. Je tiens à ce que votre père ait ce qu'il y a de mieux. » La pauvre femme a tellement de choses à penser et elle s'affaire si rapidement qu'elle manque à nouveau s'évanouir. En raccompagnant Bette chez elle, le vieux gentleman promet à Madame March de veiller sur ses filles et annonce que Monsieur Brooke, le précepteur de Laurie, fera le voyage avec elle jusqu'à Washington. Rassurée de voir que son départ s'organise aussi bien, Madame March reprend peu à peu quelques couleurs. Mais l'après-midi s'achève et Jo n'est toujours pas rentrée. Alors que tout le monde commençait à s'inquiéter, la jeune fille pousse soudain la porte du salon avec une drôle de mine, tout à fait inhabituelle. Puis, d'un geste vif, elle pose un rouleau de billets devant sa mère. « C'est ma contribution pour t'aider à bien soigner père et le ramener à la maison. » « Mais, ma chérie, où as-tu trouvé cet argent ? 25 dollars ? Jo, j'espère que tu n'as pas commis de bêtises. » Mais non ! Cet argent est à moi ! Je ne l'ai ni mendié, ni volé ! Je l'ai honnêtement gagné. Et je ne pense pas que tu m'en voudras, car je n'ai fait que vendre ce qui m'appartenait. » Tout en parlant, Jo enlève son bonnet et déclenche aussitôt un tollé général. son épaisse chevelure est désormais coupée à ras. Le résultat est si effrayant que Bette se met aussitôt à pleurer. Jo, feignant d'adorer sa nouvelle coiffure, console sa petite sœur. Ce n'est pas un drame, voyons. Ce petit défrichage va m'aérer les méninges. Et puis, au moins, j'aurai l'air d'un vrai garçon. Ce soir-là, les quatre sœurs montent se coucher très tard, voulant profiter le plus possible de l'affection de leur mère. Mais à minuit, alors que ses filles dorment à poings fermés, Madame March pénètre sans bruit dans leur chambre et les embrasse le plus tendrement du monde. Comme les filles le demandaient, Monsieur Brooke a envoyé un télégramme pour dire que leur mère était bien arrivée à Washington. L'état de leur père est, paraît-il, sérieux, mais s'améliore de jour en jour grâce aux bons soins que lui donne Madame March. De leur côté, les quatre sœurs écrivent tous les jours un petit mot, racontant leurs tâches respectives. Un jour, Bette, considérant que Meg représente le chef de famille, lui précise « Il faut que tu ailles voir la pauvre femme à qui on a donné à manger. Mère nous a bien dit de ne pas les oublier, elle et ses enfants. » « Oh, pas aujourd'hui. Je suis trop fatiguée. Demande à Jo. » La petite fille se tourne alors vers Jo, qui lui répond aussitôt « Je dois absolument terminer d'écrire cette histoire. Ne t'inquiète pas, Amy ira quand elle reviendra de sa course. » Mais les heures passent, Amy n'est toujours pas rentrée et ni Meg ni Jo ne pensent à la pauvre femme. Alors, malgré son mal de tête, Bette enfile son capuchon, remplit un panier de friandises et sort en silence, dans le froid. Quand elle revient chez elle, ses sœurs sont déjà couchées. Réveillée par le grincement de la porte de la salle de bain, Jo se lève et aperçoit sa petite sœur, les yeux rouges et l'air très anxieux, en train de prendre un médicament. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Bette ? D'un geste vif, la petite fille empêche Jo de l'approcher et lui dit d'une voix grave « Tu as déjà eu la scarlatine ?»« Oui, et Meg aussi, il y a des années. Pourquoi ?» Bouleversée, Bette explique ce qui s'est passé chez la pauvre femme. Son bébé est mort. Il était si fiévreux que sa mère a couru chercher un docteur. J'ai pris alors l'enfant dans mes bras. Il semblait endormi. Mais soudain, il a poussé un petit cri. Il a commencé à trembler. Et après, il n'a plus bougé du tout. Le docteur est arrivé trop tard. Et il a dit que c'était la scarlatine. Il m'a ordonné de rentrer tout de suite à la maison prendre de la belladone, où j'aurais moi aussi la fièvre. Effrayée, Jo serre sa petite sœur contre elle et s'écrie « Non, tu ne l'attraperas pas, oh Bette. Si tu tombais malade, jamais je ne me pardonnerais mon égoïsme. Oh, si seulement maman était là. » Très inquiète, Jo file réveiller Meg et Amy et leur apprend la triste nouvelle. Après maintes discussions, les quatre sœurs décident de ne rien dire à leur mère afin de ne pas l'affoler davantage. Néanmoins, elles demandent à Laurie d'aller prévenir le médecin de famille pour qu'il ausculte Bette. Hélas, le médecin confirme que Bette a tous les symptômes de la scarlatine, mais qu'il ne faut pas s'inquiéter pour autant. En revanche, il ordonne à Amy de quitter les lieux sans tarder et lui prescrit un traitement afin qu'elle n'attrape pas la maladie. La petite fille est furieuse de devoir habiter chez sa vieille tante, mais devant son air malheureux, Laurie lui promet d'aller la voir tous les jours. Au fil des jours, hélas, l'état de santé de Bette devient préoccupant. Elle se met parfois à délirer et confond de plus en plus les prénoms de ses sœurs. Deux fois par jour, le docteur vient au chevet de la petite malade. Mais le 1er décembre, il l'examine plus longuement. Sans un mot, il prend sa main brûlante entre les siennes, la repose doucement, puis murmure à Meg et à Joe si Madame Marsh peut quitter son mari. Mieux vaudrait qu'elle rentre le plus vite possible. Joe s'élance aussitôt dans la tempête et envoie un télégramme à Washington. À son retour, elle croise Laurie, venue aux nouvelles. À son air rempli de détresse, le garçon lui demande « Joe, que se passe-t-il ? L'état de Beth s'est aggravé. » « Oui, c'est grave. Elle ne nous reconnaît plus. Oh, Laurie, je ne sais plus vers qui me tourner. Père et mère sont à des kilomètres. » « Je suis là, Joe chéri. Raccroche-toi à moi. » Très émue de voir son amie pleurer à chaudes larmes, Laurie la prend dans ses bras et lui caresse doucement la tête. Puis, pour la consoler tout à fait, il lui avoue « Joe, j'ai quelque chose à te dire. Voilà. Mon grand-père et moi étions très inquiets ces derniers temps. » Alors j'ai envoyé un télégramme à M. Brooke pour qu'il dise à ta mère de rentrer. Elle est en route. Le train de nuit arrive à 2 heures. J'irai la chercher à la gare. Dans son euphorie, Joe pousse violemment la porte de chez elle et annonce la bonne nouvelle à sa sœur aînée. Folle de joie, Meg lâche son ouvrage et s'empresse de remettre de l'ordre dans toutes les pièces. Seule Bette, hélas, ne peut se réjouir. Elle est maintenant dans un sommeil comateux. Très inquiet de l'évolution de la maladie, le docteur annonce qu'il reviendra dans la nuit surveiller sa petite patiente. Chaque fois que l'horloge sonne, les deux sœurs se regardent avec des yeux brillants d'espoir. Encore quelques heures, et leur mère sera enfin là. À 1 heure du matin, Laurie part comme prévu à la gare. Mais hélas, le temps passe et personne ne vient. Le train a sans doute été stoppé par la neige. Debout à la fenêtre, Joe regarde dehors, songeant à quel point le monde peut être lugubre. Quand elle entend, soudain, bouger. Bette vient de se retourner dans son lit et ouvre les yeux. Joe se précipite vers elle et lui touche le front. La fièvre est enfin tombée. Et sa petite sœur reprend des couleurs. Et quand le docteur revient pour l'examiner, il confirme aussitôt la guérison. La nuit s'écoule lentement. Fatigués de veiller, Joe et Meg scrutent le paysage. Mais peu à peu, le soleil se lève et curieusement, jamais le monde ne leur a paru aussi beau. Soudain, en voyant une calèche tourner au coin de la rue, Joe s'écrie « Ah ! C'est maman ! Elle arrive !» Sans même prendre le temps de se couvrir, Joe et Meg courent dans la neige et se jettent au cou de leur mère. Comme une volée de moineaux, elles tourbillonnent autour d'elle en poussant des cris de joie. L'euphorie est telle que Madame Marsh ne sait plus où donner de la tête. Mais quand elle réussit à pénétrer dans la maison, elle se dirige aussitôt vers sa petite fille et lui murmure « Ma bête chérie, maman est revenue. » Tout en caressant les mains amaigries de Bette, Madame Marsh donne des nouvelles de son mari. Il va beaucoup mieux et pense revenir au tout début de la nouvelle année. De surcroît, M. Brooke a insisté pour rester près de lui et il le raccompagnera en temps voulu. Au nom de Brooke, Meg se met soudain à rougir et, prétextant une grande fatigue, monte se coucher. Joe, à qui rien n'échappe, lance d'une voix rageuse à sa mère. J'en étais sûre. Meg est amoureuse de ce Brooke. Fini la vie tranquille et notre complicité. J'imagine déjà la scène. Les deux tourtereaux passeront leur temps à roucouler dans la maison et nous devrons regarder ailleurs. Elle se mariera avec lui et moi j'aurai le cœur brisé. Oh, si nous étions toutes des garçons, nous n'aurions pas ce genre de problème. Avec la plus grande douceur, Madame Marsh explique alors à sa fille. Ma chérie, ne te fâche pas. Monsieur Brooke s'est montré parfaitement franc et honnête au sujet de Meg. Et il nous a confié qu'il l'aimait. Bien sûr, ta sœur n'a que 17 ans. Et nous lui avons dit qu'il devrait attendre encore 3 ans avant de se marier. Enfin, ma chérie, je te demande de garder notre conversation secrète. Nous avons encore tant de bons moments à vivre avec elle. Triste et horriblement déçue, Jo promet néanmoins de tenir sa langue avant de monter se coucher à son tour. Les semaines qui suivent se déroulent dans le calme et la paix. Ami est revenu à la maison et Beth passe ses journées de convalescence allongée sur le sofa à coudre pour ses poupées. Mais le jour de Noël, une surprise l'attend dehors. Beth, n'ayant pas encore le droit de sortir, Jo porte sa sœur près de la fenêtre. Un énorme bonhomme de neige la regarde avec des fleurs dans une main et un grand rouleau de partition dans l'autre. Émue de pouvoir rejouer de nouveaux airs, Beth se remet aussitôt au piano. Et c'est dans une joyeuse humeur que toute la famille s'offre de petits cadeaux. Mais une demi-heure plus tard, le bonheur est à son comble quand la porte du salon s'ouvre et que Laurie annonce d'une voix haletante « Encore un cadeau pour la famille Marsh !» D'un pas mal assuré, Monsieur Marsh apparaît. Tente de parler, mais un vent de folie se déchaîne aussitôt dans la pièce. Ses quatre filles l'enlacent de tous côtés et des cris de joie résonnent dans toute la maison. C'est bien sûr le plus beau réveillon de Noël. La dinde est délicieusement farcie et le pudding fond dans la bouche. Pour fêter l'événement, le vieux gentleman et Laurie sont bien sûr invités, ainsi que Monsieur Brooke, à qui Jo ne cesse de lancer des regards noirs. Après le dîner, Laurie propose une promenade en traîneau. Mais les quatre filles Marsh, trop heureuses de retrouver leur père, préfèrent rester tout près de lui. Et une fois les invités partis, l'heureuse famille se réunit au coin du feu, comme avant.